On va parler de golf avec notre ami Roger Caron. C'était le Millium Saint-Prime d'Olbeau au cours du week-end. Salut Roger. Bonjour Denis, ça va bien? Ça va bien Roger. Si on parlait maintenant de ce qui s'est passé au cours du week-end, je sais que c'était super beau. Il a fait une belle température, température idéale. Les régates de Saint-Félicien ont vraiment connu un achalandage record. Est-ce que pour le Millium, c'était l'idéal aussi, non? Ben, nous autres, c'était très bien. La température était de notre bord. On a eu une belle participation. Nous avions des bonnes équipes. C'était serré. Il y a eu des belles performances. D'ailleurs, je crois que tu as déjà parlé de tes bulletins, mais on sait que Dominique Bouchard a gagné dans la A avec un moins 22, qui est très, très, très, très bon, un moins 22. Nous avons aussi notre ami Junior Junot qui a fait un moins 19, une deuxième position, qui a été très bon en prolongation. Naturellement, notre ami Rémi Quéquenès, qui est souvent dans les bourses. Alors, Rémi a gagné dans le B, la première position, et Sébastien Marceau en prolongation avec un moins 14. Et puis, je peux te dire que les gens étaient très, très, très, très contents de leur tournoi. Et c'est vraiment un rendez-vous annuel que les gens attendent beaucoup. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est le fun. Puis, ça crée des liens entre les deux clubs. Puis, c'est ça qui est important, en fait, là. Exactement ça. Et naturellement, Delbault, chaque année, on a des belles relations. C'est plaisant parce qu'il y a beaucoup de joueurs de Delbault qui viennent à Saint-Prime et beaucoup de joueurs de Saint-Prime qui vont à Delbault. Alors, il y a vraiment un bel échange entre les deux clubs. Puis, c'est quelque chose qu'on veut garder comme ça. Tu veux me parler aussi du junior? Oui, les juniors, en fin de semaine, nous avions des juniors qui étaient à l'extérieur. Et nous avons une performance d'une jeune fille, Sarah Maud Lefebvre, qui s'est qualifiée pour les Jeux du Québec. Alors, Sarah Maud s'est qualifiée en fin de semaine et puis elle va nous représenter aux Jeux du Québec, là. Je sais pas la date où est-ce que ça va être, Dani, mais dans le prochain bulletin, on s'en parlera à ce moment-là. Aussi, Ensuite, il y a une belle promotion qui se passe au cours du week-end. Oui. Ben, ça veut dire que c'est une promotion qui va durer plus que le week-end. C'est une promotion qu'on vient de partir pour le reste de la saison. On appelle ça la promo des travailleurs. Alors, après la journée de travail, ce qu'on offre aux travailleurs, à partir de 16 heures, on offre aux travailleurs de jouer pour 15 $ Et à 15 $ ils peuvent jouer le nombre de trous qu'ils veulent. Ils sont capables d'en jouer 9, ils en jouent 9, ils veulent en jouer 18, ils en jouent 18, et c'est 15 $ Si les gens veulent jouer avec une voiturette électrique à gaz, ça coûte 25 $ Et en plus, si jamais deux travailleurs avec une voiturette, ça lui coûte 40 $ pour les deux, pour les trous illimités. Alors, à partir de 16 heures, ils peuvent jouer au golf tant qu'ils veulent. Et nous avons un forfait, 40 $ pour deux travailleurs. Ici, ils vont à pied, c'est 15 $ à ce moment-là. Roger, je veux te parler de quelque chose. Deux choses. En fin de semaine, j'écoutais une émission Patching Grace sur le web, puis l'émission est enregistrée dans un terrain de golf en banlieue de Montréal. Puis c'est un gros complexe de golf. C'est sûr que dans la région de Montréal, c'est autre chose, mais ils arrachent aussi là, les clubs de golf dans la région de Montréal. Là, ce que je veux en venir, c'est que le club qu'on parlait. Ben, il offre le golf intérieur. Je sais qu'il y a un gars de Saint-Prime qui j'ai fait une entrevue avec qui le fait l'hiver, mais il n'y aurait pas moyen de tout écrire. Il n'y a pas moyen de tout rassembler ça dans un complexe. Ben, moi, je dirais, c'est parce que je te dirais que l'été, les gens aiment aller à l'extérieur. Alors, déjà, c'est moins achalandé, ça, ces golfs-là, l'été. Par contre, c'est sûr qu'à partir de l'automne puis l'hiver, ben, le fait que nos hivers, nos automnes sont assez longs, le golf intérieur, alors ça, c'est bon à ce moment-là. Mais même si on l'avait intégré ici, ça serait pas un plus pour nous à ce moment-là. Alors, puis nous, l'hiver, ben, l'effet de chauffer la bâtisse ou ouvrir tout ça, ça serait pas rentable pour nous à ce moment-là. OK, ça serait pas rentable. Alors, Deuxième affaire, l'achalandage, comment que ça va? Il fait super beau, là. On annonce une oui. canicule au cours de. Oui. Donc, j'imagine que c'est comme dans n'importe quoi. J'imagine que l'achalandage est à la hausse. Comparé à l'année passée, est-ce que vous avez fait Oui. Moi, présentement, j'ai pas de C'est sûr, pourcentage. C'est ta première année. Mais moi, je peux te dire que présentement, on est toujours un petit plus dans l'achalandage. Présentement, on est très satisfait jusqu'à date et on se dit que le meilleur est à venir. Les vacances ont commencé et puis à partir de là, ça nous amène de belles journées. Mais présentement, Danny, on est très satisfait et on espère juste que ça continue de cette façon-là. OK. Bien, on se reparle la semaine prochaine, Roger? Oui, en passant, oui. On avait fait aussi une petite mafia, marché Richelieu, vendredi passé. Ça a été un vif succès. Et puis, on a un autre dans deux semaines. Alors ça, je peux dire que ça fonctionne très, très, très bien. Alors, c'est pour ça qu'on est fiers de nos membres, puis on est fiers des nos membres qui viennent participer aussi. Ben, c'est pas mal. Alors, Danny, on se reparle la semaine prochaine. Ça me fera plaisir qu'on okay. te donne d'autres Roger Caron, le directeur général du club de golf de Saint-Pierre.